Vous avez le projet de lancer une entreprise, d'acquérir une compagnie ou encore de développer votre entreprise? La SADC Maria Chapdelaine est présente malgré la crise de la COVID-19. Notre équipe peut valider une occasion d'affaires, rechercher du financement d'entreprise ou même participer financièrement dans certains cas. Contactez-nous au 88-276-0405 ou le sadcmaria.qc.ca. La SADC Maria Chapdelaine est fière de souligner l'importance de la forêt pour la région dans le cadre du mois de l'arbre et de la forêt. Développement économique Canada pour les régions du Québec appuie financièrement la SADC Maria Chapdelaine. On va parler de baseball avec notre ami Marc Griffin. Salut Marc! Salut Danny! Marc, avant de commencer de parler de baseball, je veux ton opinion parce que tu es un des analystes les plus en vue au Québec. Les gens t'aiment beaucoup. C'est pas du baseball, c'est du football, mais tu as quand même une opinion là-dessus. Tom Brady à 37 millions avec Fox, comment tu trouves ça? C'est assez sauté. Ben, j'aimerais savoir son agent. ben, écoute, c'est un autre marché, c'est une autre réalité, là, on va se le dire. Puis, ouais. Je pense que lorsqu'on remet un montant d'argent à une analyse de la sorte, on fait pas un chèque en blanc dans le sens que il y a sûrement ça va attirer des partenaires, des commanditaires. Est-ce que c'est vraiment en termes de code d'écoute? Peut-être. Je pense que tout ça mis ensemble fait que est-ce que Brady vaut cet argent-là? On le saura à la fin de tout ça, mais ouais. C'est évident que pour l'attirer, pour que ce soit il n'y a pas une compagnie là, qui donnerait tout ce montant d'argent-là sans savoir qu'ils vont être en mesure de payer ou de rentabiliser ce montant-là. Donc, c'est juste une autre réalité complètement. Au baseball, il n'y en a pas d'analyse de même qui peut, aux États-Unis, qui pourrait vraiment faire sauter la banque. Là. Tu penses-tu que ça va avoir un impact? Parce que là, les Troy Aikman, les Joe Buck qui est à Fox également au baseball, mais Troy Aikman a fait, je pense qu'il y a un contrat de 17 millions, Brady 37, tu penses que ça va aider au marché au baseball aussi? Ben, je suis pas sûr que ça va découler sur le baseball. Tu sais, en ce moment, là, on va parler d'analystes, il y a des descripteurs, mais il y a des analystes. Tu sais, au baseball, tu avais Alex Rodriguez qui était le gars qui était le dimanche soir. On l'a un petit peu tassé pour une autre sorte d'émission. John Smoltz semble être un gars. Bon, est-ce que tu sais, dans le fond, là, pose-toi la question. Au football, c'est toujours du national, hein? C'est jamais un match plus local, c'est du national. C'est donc, au baseball, tu sais, à part le match du dimanche soir. Il n'y a pas beaucoup de matchs là qui sont de façon nationale. Donc, un peu différent comme contexte à ce niveau-là. C'est vraiment au niveau des séries que là, tu peux attirer peut-être un analyste par rapport à un autre, mais on parlera jamais des mêmes montants d'argent. Ah non, OK. Un mois de fin, Marc, les Blue Jays 17-15, est-ce que c'est décevant? Oui, c'est décevant. C'est pas dramatique, mais c'est décevant. Décevant dans le sens que, bon, l'attaque, selon moi, n'a pas produit comme on aurait dû produire. Je sais que statistiquement, c'est pas si mauvais que ça, l'attaque. Et statistiquement, c'est pas très reluisant en relève, mais c'est une combinaison de facteurs. T'sais, moi, je pense que je regarde la moyenne au bâton avec des coureurs en position de marqué, c'est une des pires du baseball. C'est là que ça s'est joué. La relève paraît pas très bien en ce moment, selon moi, en raison de l'attaque. T'sais, si l'attaque produit 5 points par match comme elle a produit au cours des dernières années, on jaserait pas de ça. Ça serait une fiche qui serait nettement supérieure actuellement. Tu es bâti autour d'une attaque. On a un excellent personnel de partant chez les Blue Jays de Toronto actuellement, mais il faut trouver le moyen de marquer avec des coureurs en position de marquer. Alors, c'est vraiment ce qu'on appelle, dans le jargon, le clutch hitting n'est pas à point du côté des Blue Jays. Et là, on le ressent. Tu as vu les gestes de frustration de Vlad. Ça fait 2-3 fois qu'il casse son bâton après des retraits sur des prises. Et ça, c'est des signes de frustration dans le sens que je pense qu'il faut amener cette frustration-là ailleurs. Il faut trouver des solutions. Il faut avoir de meilleures présences, peut-être une meilleure préparation lorsqu'il y a des coureurs sur les sentiers. Mais chose certaine, il va falloir que l'attaque produise davantage pour redresser la situation. Bichette et Chapman au troisième but. C'est ça que Chapman, c'est pas. On savait que c'était pas un frappeur de 280, là, mais il était à 208 la dernière fois que j'ai regardé. Là. C'est un petit peu décevant pareil. Hein? Ben, ils sont tous un peu décevants. Ouais. Je veux dire, Bichette, bon, ça commence. Mais tu sais, c'est pas ce que ça devrait être. Chapman, même affaire. Gourriel, même affaire. Hey, rappelez-vous Gourriel l'année dernière, là. Le mois d'août, le mois de septembre, il avait été un des meilleurs frappeurs de tout le baseball. Donc, je vous dis pas qu'il faut que ça soit le cas toute l'année cette année. Mais il y a une différence entre le frappeur qu'il est actuellement, qui est pas mauvais. Tu sais, Bichette, c'est pas mauvais. Dans le cas de Chapman, c'est pas si pire si tu regardes sa puissance et ses points produits. Mais là, c'est tout le temps des pas si pire, pas mauvais, pas si. C'est pas ça qu'on veut. On veut un rendement adéquat, un rendement à quoi on s'attendait. Puis là, ben, si tu vas le. Tu sais, même Vlad, c'est pas le Vlad à triple couronne actuellement. Fait que tout ça mis ensemble fait que ça devient un petit peu plus difficile et fait un mal paraître un peu cette relève-là, qui est pas dominante. Je regardais les statistiques, il n'y a pas beaucoup d'élan dans le vide produit par la relève des Blue Jays, mais c'est pas grave. C'est dans le contexte dans lequel on arrive. Beaucoup de matchs d'un point. On savait que ça pouvait pas, les Blue Jays pouvaient pas maintenir le rythme qu'ils ont eu au mois d'avril. C'est pas inquiétant. Puis, tu sais, je vais ajouter à ça, Danny, aussi. Puis ça, c'est pas une excuse, là, mais tu sais, le calendrier par exemple, des Yankees a été nettement plus favorable que celui des Blue Jays. Ouais. Ce que je veux dire, puis j'enlève rien aux Yankees. Là. Ce que je veux dire, c'est que sur une longue saison de 162 matchs, ça peut finir par s'équilibrer. Fait que, tu sais, donnons-nous encore quelques semaines, là, avant de vraiment dire, OK, là, ça va pas bien, là. OK. Est-ce que, puis la blessure de Teoscar fait mal aussi. Tu peux pas avoir pas de 30 circuits, 100 points produits. Tu sors de l'alignement, ça change la donne. Tamia, c'est un réserviste. Ça reste un bon quatrième voiture, mais c'est pas le même type de joueur que Teoscar là, non plus. Là. Non, mais tu regardes ce qu'on appelle le OPS ou le MPP, moyenne de présence et de puissance de Vlad. Lorsque Teoscar frappe quatrième ou lorsque c'est quelqu'un d'autre, c'est près de 200 points de différence. Donc, la présence de Teoscar fait en sorte que Vlad a des meilleurs lancers. Ouais. Et le fait que là, ben, Gourriel, entre guillemets, protégeait Vlad, ça intimidait pas personne. Là. Ouais, fait que là, si Teoscar reprend un petit peu là, ou l'a laissé, puis là, évidemment, lorsque tu es absent une période de temps, là, ça te prend un certain temps avant de retrouver ton rythme, là, mais si Teoscar se met à frapper un petit peu plus, oups, Vlad va avoir des meilleurs tirs. Si Vlad a des meilleurs tirs, bien, le Teoscar a plus de chances de produire des points. Et là, ça découle. T'sais, c'est pour ça que c'est très individuel comme sport, parce que t'es tout seul au bâton, mais le succès de un avant ou le succès de l'autre après change énormément la façon dont on va te lancer la balle. Effectivement. Donc, j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va découler. J'espère que ça va changer. C'est quand même une série importante ce soir qui débute contre les Rays. Ben, et toute série à l'intérieur de ta propre division est importante. Puis effectivement, est-ce qu'on est mûr pour brasser un petit peu les cartes? Est-ce qu'on est mûr pour peut-être mettre Springer plus deuxième, troisième? Je dis ça juste parce que Springer va quand même relativement bien. Est-ce que lui pourrait aider la cause avec des coureurs en position de marquer un petit peu plus? Tu comprends? Je sais pas. Je dis n'importe quoi, là. Mais ce que je veux dire, c'est que est-ce qu'il serait pas temps aussi de peut-être modifier un peu notre formation juste pour... Alors, tu sais, on sent qu'il y a un peu moins de fun, moins de sourire dans l'abri des Blue Jays depuis quelque temps. Il faudrait trouver un moyen aussi de retrouver ce plaisir de jouer là. Effectivement. Par contre, les Yankees, tu l'as dit, calendrier est facile, mais c'est quand même assez surprenant là, à date. Là. C'est que là, soudainement, Torres s'est réveillé. Ouais. Même si c'est pas... c'est bien, tu regardes les statistiques, tu fais pas « wow », mais c'est... On parlait de clutch hitting tantôt, là. Regarde, on en profite. Il y a toujours quelqu'un qui arrive avec le gros coup sûr chez les Yankees. Tu sais, le circuit de trois points. On a gagné la série contre les Blue Jays, là. C'était trois circuits de trois points. C'est à peu près, ça décrit la situation des Yankees dans cette série-là. Donc, eux obtiennent le gros coup sûr au moment opportun. Ils ont évidemment un très, très bon rendement au niveau de leur lanceur partant. C'est une très bonne équipe. Mais lorsque Stanton puis Judge produisent comme ils produisent, c'est une équipe extrêmement dangereuse. C'est un des bons débuts de saison qu'on a vu. Écoute, c'est la première fois qu'on voit les deux équipes de New York et les deux équipes de Los Angeles en tête de leur division. Oui, effectivement. C'est rare. Je pensais pas, mais en lisant la note l'autre jour, je me dis, voyons donc, c'est jamais arrivé. Alors, j'espère que ça va se poursuivre, c'est pas mauvais pour le baseball Boston, de voir. Boston, par contre, ça va mal. Le diable est aux vaches. Bogart et Gini Martinez vont probablement être échangés d'ici la date limite des échanges. Ça ne se replace pas. Aussi que Bogart va être joueur autonome à la fin de la saison. Plusieurs l'envoient devant Saint-Louis, mais par contre, les Red Sox vont certainement essayer de le monnayer pour pas le perdre pour rien. Là. Il va y avoir des gros changements. Ouais. À Boston, moi, je suis convaincu. Puis même Devers qui cherchait un contrat à long terme. Ça négocie pas. Tristan Casas s'en vient, c'est un premier but. Est-ce qu'on va faire la place aux jeunes? Tu sais, la question, dans le fond, qu'il faut se poser dans le cas des Red Sox. Les propriétaires veulent moins dépenser aussi, hein? On veut moins dépenser, mais est-ce que les succès de l'année dernière, qu'il faut dire, ont été une surprise? Ouais. Est-ce que ça n'a pas comme chamboulé un peu? Moi, je suis pas certain que dans le plan original, c'était de signer un gars comme Trevor Story. Ouais. Est-ce que on a comme, tu sais, puis j'enlève rien à Trevor Story, c'est un bon joueur, il n'a pas un bon début de saison, là, mais des fois, je me demande si la saison passée n'a pas comme brouiller un peu les plans des Red Sox de Boston, de diminuer en termes de salarial, de développer mieux, d'amener des jeunes. C'est pas pour rien que Shane Bloom est là maintenant. Là, on veut imiter un peu ce que les Rays font. Et là, soudainement, on est pris, on a connu une excellente saison. Puis là, les attentes étaient inévitablement élevées cette année. On a mis du temps. Soudainement, à la dernière minute, on signe Trevor Story. Puis là, on se retrouve avec un mauvais début de saison. Ouais. Avec un gros contrat de Trevor Story. Donc, selon moi, c'est assez clair que des gars comme Bogarts, Martinez et même Devers pourraient quitter l'équipe dans les prochaines semaines, surtout si on n'améliore pas la situation. Là. Donc, j'ai l'impression qu'à Boston, ça va brasser pas mal cet été. Effectivement. Les White Sox de Chicago, est-ce qu'il y a eu des blessures en masse? Est-ce qu'on peut considérer que c'est quand même une déception compte tenu des blessures? Oui, c'est une déception parce que les attentes étaient très, très élevées. Plusieurs les mettaient même en série mondiale. Ouais. Je comprends que ça a mal commencé, là. Une couple de blessures. On avait échangé Kimbrough, puis après l'échange de Kimbrough, tu sais, une couple de gars tombent au combat. Des blessures importantes. Mais ça reste que le noyau est en place. Ça devrait fonctionner. Ça fonctionne un peu moins bien. Ouais. Deux belles surprises, on va se le dire. Les Tigers puis les Guardians. Ouais. Qui soudainement se mettent dans le party. Fait que ça ne sera pas aussi facile qu'anticiper du côté des White Sox. Au contraire, je pense que le défi sera de taille. Puis je trouve ça le fun parce que au départ, je voyais pas nécessairement les Guardians lutter, mais là, de voir une lutte à trois dans cette division-là, ça va donner du meilleur baseball. Oui, effectivement. Marc, un gros merci. Au plaisir de se parler. OK, salut Danny. Bye-bye.